Chapitre 31. Le lendemain, le marquis, après un bon sommeil, se leva assez tard et s'habilla sans trop de hâte. Son fils, qui devait retourner à Paris avant midi, se fit annoncer chez lui dès son réveil et le père resta enchanté de l'esprit et du bon sens de son héritier. Il fut surtout touché de l'amour que celui-ci portait à sa mère, et cette remarque ne le disposa que mieux en faveur de Gabriel. René alla passer près de sa sœur sa dernière heure de congé, car il l'avait à peine vue dans le tourbillon de la veille et le marquis, se sentant propre aux affaires sérieuses, fit mander M. Robert. Celui-ci vint, comme la veille, chargé de livres et de papiers. Il déposa le tout sur une chaise près de la porte et attendit respectueusement les ordres de son maître. « Eh bien, Robert, dit le marquis d'un ton moins rogue, il me semble que vous n'avez pas fait trop bon usage des pouvoirs que je vous avais confiés. « Veuillez m'excuser, monseigneur, répondit le majordome. J'ai fait de mon mieux, et en ce qui concerne vos intérêts, je ne crois pas que vous ayez à vous plaindre. « Tu as fait ton mieux, vraiment, interrompit le marquis. « Eh bien, ton mieux ne valait pas grand-chose à ce que je crois. Voyons un peu tes livres. » Robert s'avança, déploya sur la table un grand registre, l'ouvrit à une page déjà jaunie et posa le doigt sur une colonne de chiffres. « En 1742, dit-il, Monseigneur le marquis de Morez quitta ce domaine qui lui rapportait alors 32 500 livres de revenus, dont 15 000 servaient à payer des hypothèques. « C'est la somme, en effet, répliqua le marquis. « Eh bien ?» Robert choisit une autre page, toute fraîche, celle-là, et posa l'index sur une colonne. « Aujourd'hui, continua-t-il, le même domaine, dégrevé de toute hypothèque, rapporte 43 700 livres, dont tant envoyé annuellement à M. le marquis, tant pour les menus plaisirs et dépenses de M. René, et tant pour l'entretien de la maison et des dépenses de Morez. Le reste est placé à mesure en bonne rente, dont l'usufruit sert aux dépenses particulières de Mme la marquise et de Mlle Lucile. Le marquis, ébahi dans sa chaise, regardait Robert la bouche ouverte et ne pouvait parvenir à comprendre. « Mais alors, dit-il enfin, je suis plus riche que jamais. » Robert s'inclina. Une expression de contentement fort noble et fort élevée passa sur son visage osseux. Mes faibles efforts sont récompensés s'ils ont eu le bonheur d'obtenir l'approbation de mon maître, dit-il toujours avec le même calme. Le marquis réfléchissait, regardant tantôt le gros livre, tantôt son fidèle serviteur. Tout à coup, une réflexion lui vint. Cette ruine, alors, ce péril où était ma maison, c'était un mensonge? Tu as inventé cela pour me faire sortir de mon indifférence? « Ah, maître Robert, ceci passe la plaisanterie, et si flatteuse que sur la surprise que tu m'as préparée, je ne puis admettre qu'un croquant se permet de tromper le marquis de Morez. » Robert fit un pas et se trouva en face de son maître. « Je ne vous ai pas trompé, monsieur le marquis. Je n'ai pas plaisanté avec vous. Morez est en péril. Seulement, ce n'est pas la fortune de Morez, c'est plus grave. « Et quoi donc ? » s'écria le marquis en se levant brusquement. Les deux hommes se regardèrent une seconde sans parler, et Robert laissa tomber à voix basse l'aveu préparé de si loin. « C'est l'honneur de Morez. »« L'honneur de Morez ? » cria le marquis d'une voix tonnante. « Ah, faquin ! Je t'apprendrai à parler de l'honneur de Morez. » Il saisit un pistolet qui se trouvait sur la table et le dirigea vers l'insolent. « Tirez, monsieur le marquis, » dit Robert sans se troubler, « et je n'aurai pas le temps de parler. » Vous verrez trop tard ce que je voulais vous apprendre. » Le marquis déposa son arme avec un geste d'humeur, tourna le dos à Robert et lui dit « Parle, mais si tu mens, tu es perdu. » « Je le sais, monseigneur, » fit Robert, toujours impassible. Alors, de sa voix monotone, il raconta au marquis non ses soupçons, non le nom du gentilhomme. Tout cela était inutile, mais le fait brutal, incontestable, dont il avait été témoin la veille. L'entrevue de la marquise avec Julien dans la cabane du parc. « Tu dis que la marquise se trouvait là avec un homme ?»« Oui, monseigneur. »« Tu en es sûr ?»« Sur ma vie, monseigneur. » »« Eh bien, » s'écria le marquis avec une violence inouïe, « viens donc le lui dire à elle-même. » Saisissant Robert dans une étreinte surhumaine, il l'entraîna, en courant, vers la chambre de Gabriel. Il ouvrit brusquement la porte, entra, tirant toujours Robert derrière lui et s'écria aussitôt. « Cet homme prétend vous avoir vu avec un étranger l'autre nuit chez moi, madame. Jetez-lui donc son mensonge à la face. » En ce moment, René entrait, prêt à partir, pour prendre congé de sa mère. Glacé d'horreur, il resta sur le seuil, témoin involontaire de cette scène. La marquise jeta sur Robert un regard plein d'un mépris et d'une dignité incomparable. Elle hésita, mais une seconde seulement, et répondit « Puisqu'un manant est appelé à porter témoignage contre sa maîtresse, soit, monsieur. J'avoue, il a dit vrai. » Le marquis lâcha le bras de Robert et chancela. René portait ses regards de son père à sa mère. Celui-là ne lui était connu que grâce aux soins de la marquise. À celle-ci, il devait tout ce qu'il était, tout ce qu'il serait. Il lut dans les yeux de la malheureuse femme que tout sombrait devant elle dans un naufrage épouvantable, et la pitié, une pitié si tendre qu'elle eût attendri Robert lui-même, lui inspira une résolution suprême. « Il a dit vrai, mon père, » fit René qui s'avança et plia un genou devant le marquis. « Mais cet étranger, c'était moi. » Gabriel tressaillit de la tête aux pieds. « Mon fils !» s'écria-t-elle en tendant les mains vers lui. Mais René ne détourna pas la tête de son côté. « C'était moi, » répéta-t-il. « J'avais perdu au jeu une somme considérable, et pour n'être point vu de celui-ci, » ajouta-t-il en indiquant Robert, qui le regardait avec l'expression de la rage concentrée, « celui-ci, qui a pris véritablement trop d'empire dans notre maison, je suis venu la nuit comme un voleur, afin d'implorer en cachette de ma mère la somme dont j'avais besoin le jour même. » « Quand cela ? » fit le marquis encore incertain. « L'autre nuit, » répondit résolument Gabriel. Le marquis tendit la main à son fils qu'il releva et s'avança vers sa femme. « Madame, » lui dit-il, « ce tort-ci est plus grave que tous les autres, et je doute que vous puissiez me le pardonner. Mais si je parviens à l'effacer, ma vie entière sera consacrée à vous rendre heureuse. » Il sortit. Robert n'avait pas attendu si longtemps. Aux paroles de René qui le concernaient, il s'était retiré sans mot dire. René était resté seul avec sa mère. Celle-ci le regarda, les yeux noyés de larmes. Cachant dans ses mains son visage couvert de honte, elle s'inclina devant lui comme pour implorer sa grâce. Il s'approcha d'elle et lui dit à voix basse « Comment s'appelle cet homme ?»« Non, non !» dit résolument la marquise. « Tu ne le sauras pas. Il faut que je le sache. Je le veux. Jamais. Je me rétracterai. Fais-le donc !» dit Gabriel en le regardant avec ses yeux pleins de dédain qu'avait toisé Robert un instant auparavant. « Ajoute un nom à ce dédélateur. Déshonore ta mère que tu viens de sauver. » René baissa la tête. Alors sa mère s'approcha de lui et se mit humblement à genoux. « Au nom de votre père offensé, qui ne l'ignorait à jamais, mon fils, pardonnez à votre mère coupable. Tout lien est rompu. J'ai renoncé à ma faute. Et si je n'ai pas d'excuse, pensez que je vous ai tendrement aimé quand vous avez pris à moi et que j'ai été bien malheureuse. » René, incapable de parler, étendit sa main en signe de pardon et s'enfuit. Chapitre 32e. Après cet échec, Robert, loin de se considérer comme battu, se mit à réfléchir aux moyens de prendre sa revanche. Le marquis, en le rencontrant dans le corridor, lui avait adressé une verte semonce terminée par ces mots. « Je te garde parce que tu avais bien vu, et parce que tu es un serviteur vraiment dévoué. Essaye de te faire pardonner par la marquise, mais surtout, tâche de ne plus avoir de lubies. » Robert s'inclina silencieusement, suivant son habitude, et alla promener sa mésaventure au grand air. Après deux ou trois jours de parterre, il s'enfonça dans les allées du parc et, tout naturellement, ses pas se portèrent vers la cabane du jardinier. La porte n'était pas fermée, car la clé était restée en dedans. Il entra et s'assit sur un vieux canapé vermoulu qui meublait cet endroit retiré, avec deux ou trois chaises et une table. C'était donc là que devaient aboutir tant de veilles scrupuleuses, tant d'efforts consciencieux. René s'était jeté à travers cette trame patiemment tourdie et avait tout emporté comme une abeille étourdie traverse la toile d'une araignée de jardin. Sans le respect que Robert portait à tout ce qui tenait à Morez, il eût maudit les tourneaux, mais tout sentiment s'effaça bientôt devant l'idée toute puissante qu'il fallait réduire la marquise en poussière. Jusque-là, Robert n'avait pas été mu par une haine personnelle dans tout ce qu'il avait tenté contre Gabriel. Il avait défendu Morez par un sentiment instinctif d'attachement animal, exactement comme un dogue défend sa maison. S'il avait fait beaucoup de mal à la jeune femme, ce n'était pas par méchanceté, mais simplement parce que, selon lui, elle faisait obstacle à la prospérité de la maison qu'il gardait. Mais de ce jour, tout était changé. Il avait à se venger d'un échec, à réhabiliter sa perspicacité faussement accusée. Il fallait surtout briser la marquise, sans quoi, appuyée sur son fils, elle le briserait. Robert en était là de ses pensées lorsque ses yeux tombèrent sur un petit objet oublié par Présange dans le trouble de la dernière entrevue. C'était le portefeuille brodé par Lucille qui avait contenu les lettres des amants. Robert le prit et le considéra avec attention. Dans le dénuement extrême où se trouvait sa cause, tout pouvait servir. Il n'était pas sûr d'avoir vu ce portefeuille dans les mains de quelqu'un, mais il pensait bien qu'il n'appartenait à aucun des habitants du château. Tout à coup une lueur illumina sa pensée. Il se rappela le jour précis où, en sa présence, la marquise avait remis à Julien un objet semblable. « C'est cela, se dit-il, les maladroits, les imprudents. Il faut jouer plus serré quand on a affaire à un vieux limier comme moi. » Il mit le portefeuille dans sa poche après l'avoir examiné très attentivement et retourna au château. Sur son chemin, il rencontra Lucille qui faisait après le dîner sa moisson de fleurs accoutumée. « N'auriez-vous pas égaré un petit portefeuille bleu, mademoiselle ?» lui dit-il sans perdre de temps à des questions inutiles. Lucille, étonnée, secoua négativement la tête. « C'est qu'un garçon d'écurie a trouvé dans la cour un petit portefeuille de satin bleu brodé. « Ah, je sais !» fit Lucille. « C'est celui que j'avais donné à monsieur de Présange. Il l'aura perdu hier. » Elle se rappela l'air triste et préoccupé du jeune homme. « Où est-il, ce portefeuille ? » ajouta-t-elle. « Il faut le lui renvoyer. »« C'est fort bien, mademoiselle. » « Je ne sais où il se trouve, mais on le lui renverra. Soyez-en assurée. » Lucille fit un signe de tête et passa. Robert la suivit les yeux avec une expression de joie méchante. « C'est bien fait, » se dit Robert. « Le fils m'a perdu, mais c'est la fille qui me sauvera. » Deux ou trois jours passèrent tranquilles. René était retourné à Paris et devait revenir dans le courant de la semaine. Le marquis faisait de son mieux pour rentrer en grâce auprès de sa femme, mais il avait trop de tact pour lui imposer sa présence ou sa tendresse, et sentait bien qu'il avait trop à faire oublier pour que ce ne fût pas l'affaire d'un temps très long. Lucille, qui n'avait rien su ni rien soupçonné de l'orage où sa mère avait failli périr, allait et venait, charmant de sa grâce juvénile son père, qui n'avait jamais vu de si près une vraie jeune fille. Elle était la paix et la joie de cette maison où planait le malheur et l'obtenait des sourires même de sa mère, qui pliait cependant peu à peu sous le fardeau de sa honte. Julien n'était pas revenu. Le courage l'avait manqué et il ignorait ce qui s'était passé. La vie lui paraissait si dure, telle que le sort la lui avait faite, qu'il projeta un long voyage. Que lui importait maintenant le ciel qui couvrirait sa tête? N'était-il pas orphelin et délaissé partout? Depuis qu'il avait vu le marquis, il comprenait sa faute, jusque-là, obscurément entrevue au travers des remords de Gabriel. L'adultère était facile loin de l'époux. Mais du jour où le maître du logis rentrait à son foyer profané, l'honneur de la trahison se dressait devant Julien comme elle n'avait jamais cessé de se dresser devant Gabriel. Il se prépara donc à partir, se réservant d'aller prendre congé des hôtes de Morez la première fois qu'une occasion lui permettrait de le faire sans être remarqué au milieu d'une société nombreuse. Cette occasion, du reste, ne devait pas se faire attendre, car les réceptions se multipliaient à Morez et l'on y avait compagnie presque tous les jours. Malgré ses distractions mondaines, le marquis se sentait mal à l'aise. Il avait gourmandé René au sujet de sa prétendue dette de jeu. Celui-ci, après avoir écouté ses reproches avec toute la soumission désirable, avait promis de ne plus recommencer. Mais le marquis se disait que si son fils était joueur, c'était sa faute. Gabriel avait pu lui donner bien des conseils, bien des leçons. Elle n'avait pu lui parler que de ce qui lui était familier. Ce n'était pas à une femme de prémunir son fils contre les pièges du monde, surtout quand cette femme avait été systématiquement tenue à l'écart de la société mondaine. C'était au père de guider les premiers pas de son fils, de lui inspirer la sagesse et la prudence, et le marquis n'était pas content de lui-même. Il n'était du reste content de personne, hormis de sa fille. Il trouvait Gabriel bien triste et bien froide à son égard, et là encore il voyait un reproche muet de la destinée. Quoi de plus naturel, en effet, que la tristesse et la froideur de sa femme? Son retour même à ses foyers n'avait-il pas été signalé par une offense mortelle, digne couronnement de toute une vie d'abandon? À 30 ans, le marquis avait autrement jugé sa conduite. Il lui paraissait tout naturel alors de chercher son plaisir où bon lui semblait, mais les années et les rhumatismes avaient mis de l'eau dans son vin. La liqueur généreuse se déposait lentement au fond de sa coupe, et l'écume avait passé tout entière par-dessus les bords. Il se sentait désormais propre à vivre au foyer de famille, et ce sentiment lui communiquait une dignité nouvelle qui lui avait manqué jusque-là. Ce qu'il ne pouvait se pardonner, c'était d'avoir si mal débuté en rentrant à Morez. Cette pensée de regret finit par l'obséder, et un beau matin, à l'heure où Robert venait prendre ses ordres, il lui exprima son mécontentement pour l'imprudence qu'il lui avait fait commettre. « Faut-il, dit le marquis avec peu de ménagement, qu'un âne batté comme toi m'ait fait faire une école pareille ?» Robert se taisait. Sa main, passée dans le revers de son habit, se posa sur le petit portefeuille. L'occasion si patiemment attendue allait peut-être s'offrir. « Comment, vieux fou ?» continua le marquis en se frottant la jambe où se faisait sentir le rhumatisme. « Tu n'es pas capable de distinguer mon fils d'un étranger ?» Robert se taisait toujours. Son maître le prit en mauvaise part. « Réponds donc !» lui dit-il brusquement. « Il paraît que tu n'es pas disposé à faire tes excuses. » Le majordome tira sa main de son gousset et posa sur la table le petit portefeuille de Lucile. « Je me suis trompé, » dit-il, « cela se peut. Mais ceci n'appartient pas à monsieur le comte René. » À la vue de cet objet, au ton grave et contenu de celui qui parlait, le marquis tressaillit. « Qu'est-ce cela ? » dit-il d'une voix émue. « J'ai trouvé cet objet dans la cabane dont je parlais à monseigneur. » Le marquis prit les tablettes, les ouvrit, et sur une feuille d'ivoire il lut « Julien de Présange ».« Tu es sûr ? » balbutia-t-il. Robert fit un signe affirmatif et regarda son maître. « Tu le jures ? » fit le marquis debout, la main étendue. « Sur mon salut éternel, » dit Robert en levant la main vers le ciel. « C'est bien, va-t'en, » fit le marquis en reprenant son empire sur lui-même. Robert s'inclina et sortit. Chapitre 33. Resté seul, le marquis se rassit, les yeux toujours fixés sur les tablettes restées ouvertes. Le nom accusateur s'étalait en toutes lettres, Julien de Présange. Ce nom ne lui apprenait rien sur celui qui le portait. Parmi les autres visiteurs, ce jeune homme avait passé inaperçu, et voilà que cet inconnu prenait tout à coup dans son existence la place la plus importante, celle de l'homme qu'il faut haïr, qu'il faut tuer. Qui était Julien de Présange? Le marquis pouvait le demander à Robert. À un moment, il mit la main sur la sonnette, puis il se retint. Questionner un domestique, à quoi bon? Le marquis de Morez avait un autre moyen d'apprendre ce qu'il devait savoir. Il prit le portefeuille et se rendit chez sa femme. Gabrielle était dans sa chambre. Assise auprès de la fenêtre, elle regardait mélancoliquement la route, cette route où elle épiait jadis l'arrivée de son mari. Les années avaient passé, et le même sentiment d'attente inquiète était resté. Seulement, jadis, c'était le bonheur qu'elle attendait, et maintenant, c'était le malheur. Lucile, agenouillée sur un coussin dans l'embrasure de l'autre fenêtre, disposait des fleurs dans un vase. Une grande table la cachait au regard. Ses mouvements légers et gracieux ne faisaient guère de bruit dans cette vaste pièce, et cependant sa présence invisible reposait l'esprit troublé de sa mère. Lucile était sa sauvegarde contre les défaillances. En présence de cet enfant, elle pouvait être triste, mais elle ne devait pas pleurer. Le sentiment d'angoisse et d'attente qui empoisonnait sa vie était moins aigu tant que les mains agiles de sa fille, tant que ses pas légers remplissaient l'appartement de jeunesse et d'innocence. Un pas lourd et résolu se fit entendre dans le corridor. La marquise leva la tête avec inquiétude. Son heure était arrivée, le malheur venait d'entrer. Sans voir sa fille, cachée par un meuble, l'esprit préoccupé d'une seule pensée, le marquis marcha droit à sa femme et, lui présentant le portefeuille, lui dit d'une voix calme « Connaissez-vous ceci, madame ?» Gabrielle se rappela sur le champ, où elle avait vu cet objet pour la dernière fois, et sentit qu'elle était perdue. « Je ne sais, » fit-elle faiblement, essayant de se défendre encore, comme un noyé qui se prend à un brin de paille. « Le nom de celui qui l'a perdu est dedans, » dit le marquis toujours calme, « c'est monsieur de Présange. » Gabrielle n'essaya pas de répondre. Elle tordit ses mains le long de sa robe et baissa la tête. « Monsieur de Présange n'est pas soigneux, » reprit le marquis. Sans voir sa fille qui s'est élevée à ces mots et qui l'écoutait, les yeux dilatés, les lèvres entr'ouvertes. Lucile venait de comprendre soudain le drame qui l'entourait depuis 3 ans. Et pétrifiée d'épouvante, elle attendait la foudre qui allait tomber. « Monsieur de Présange, » continua l'époux tragé, a oublié ceci dans la cabane où vous lui donniez vos rendez-vous, madame. Monsieur de Présange est votre amant. » « Mon père !» s'écria Lucile en se précipitant pour soutenir sa mère qui chancelait. « C'est le mien !» Le marquis recula devant sa fille. Gabrielle, appuyée contre le mur qui l'empêchait de tomber, voulut parler, crier. La voix s'arrêta dans sa gorge desséchée. « Vous ?» cria le marquis. « Vous avez déshonoré ma maison ?» Lucile s'agenouilla devant lui, sans quitter la main de sa mère qu'elle pressait de toutes ses forces, et répondit bravement « Pardonnez-moi, mon père. « Vous ?» répéta le marquis. « Vous avez un amant ?»« Oui, » répondit Lucile ingénument. « Vous l'épouserez ?» cria le marquis au comble de la rage. « Ou je le tuerai !» Une même commotion agita les deux femmes qui se tenaient toujours par la main, mais elles ne parlèrent ni l'une ni l'autre. « Qu'on aille le chercher sur l'heure, mademoiselle, » fit le marquis en se calmant. « Faites-le chercher et ne reparaissez devant moi que marié. Le curé sera prévenu. Allez !» Lucile sortit sans oser lever les yeux. « Madame, » dit le marquis à sa femme, « je n'ai pas de chance avec vous, mais il faut avouer que nous sommes bien malheureux. » Gabrielle glissa le long de la muraille qui la supportait et tomba à terre. Elle était évanouie. Le marquis sonna. Toinon parut et releva sa maîtresse. Quand il lui eut vu ouvrir les yeux, son mari la quitta pour lui épargner sa présence et, trouvant que Lucile n'avait pas exécuté ses ordres, il envoya lui-même un express chez M. de Présange avec la mission de le ramener sans retard.